Tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Studec Web, vous écoutez Les Titulaires, votre émission sport hebdomadaire. Et pour la première fois cette saison, aucun Rotaldo à signaler. L'équipe est au complet, titulaire sur le flanc gauche de notre fine équipe, Arthur Vincent, bonsoir Arthur. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Johan Bredov, bonsoir Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir Kevin, qui est également là. Salut les gars. Et enfin sur le côté droit, et les non moins talentueux, Antoine Ballet et Quentin Martel. Bonsoir messieurs. Bonsoir Johan. Bonsoir Johan. Oui, quand même. Sans oublier l'homme qui garde nos cages en technique, Simon qui nous réalise chaque semaine. Ensemble ce soir, nous allons revenir sur le mercato d'hiver qui fait un petit peu grincer des dents, notamment celle de l'UNFP. Nos titulaires reviendront également sur la course à l'Europe et la lutte pour le maintien en Ligue 1. Suivront les matchs européens et notamment le cas d'Arsenal qui énerve certains de nos hommes en studio et pas que. On conclura cette émission par une page cyclisme. La nouvelle saison vient de commencer. Que pouvons-nous attendre de nos Français cette année? Mais on commence par du football et par la défaite du PSG à Lyon, la première des hommes de Thomas Tuchel cette saison en Ligue 1. Les titulaires sur Studec Web. Les Parisiens ont subi leur première défaite dans l'Hexagone. Paris s'est incliné 2-1 à Lyon après avoir pourtant ouvert le score en début de match par Di Maria. Dembélé et Fekir sur pénalty ont permis à l'OL de l'emporter. Au classement, les Lyonnais confortent leur troisième place avec provisoirement 6 points d'avance sur Saint-Etienne qui jouera à Strasbourg le mercredi 13 avril à 19h. Alors, est-ce que Paris doit tirer des conclusions sur cette défaite, Arthur ? Oui, pour moi. De toute façon, il fallait bien que ça arrive un jour. Je ne les voyais pas franchement finir sans défaite de la saison. Voilà, comme l'année dernière, ils perdent 2-1 à Lyon. Il y a eu quand même quelques déceptions, je pense notamment à Dani Alves qui pour moi n'a plus le niveau de jouer en Ligue 1 presque, en tout cas à ce poste-là. Thomas Meunier qui a ciré le banc, je pense devait bien s'en mordre les doigts, mais après je pense que ça peut être une bonne défaite pour Paris, c'est-à-dire qu'ils vont plus prendre la tête par rapport à cette fameuse invincibilité en championnat, et je pense que ça peut peut-être leur faire du bien pour la suite et notamment pour la Ligue des Champions. Une bonne défaite pour Paris, Antoine ? Bah après, j'aurais tendance à dire oui, pour les mêmes raisons qu'Arthur, sauf que quand tu réfléchis, tu te dis est-ce que vraiment Paris prenait le championnat à la légère cette année ? Non. Donc, la prise de tête, je vois pas trop où elle venait, même si, bon, effectivement, on va peut-être laisser filer quelques forces, ou on va se dire si on laisse filer des points, si on fait un match nul à un moment, c'est moins grave. Mais je pense que vu l'esprit de compétition qu'il y a dans le groupe, ça n'arrivera pas. Donc après, là où ça peut être une bonne défaite, c'est par contre pour montrer les carences de l'équipe. Et ça, je pense que Tourelle a été très malin là-dessus. C'est-à-dire qu'au coup d'envoi, il n'y a pas de milieu de terrain dans le 11 titulaire. Si on considère que Draxler est un attaquant, on va dire un avec Draxler. Mais sinon, il y a 6 défenseurs, 4 attaquants. Les carences au milieu de terrain, on parle beaucoup de l'absence de Neymar. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas celle de Verratti qui pèse le plus sur le jeu parisien, Johan ? Il y a celle de Verratti, il y a celle du milieu que Paris attend depuis des lustres. Frenkie de Jong n'était pas là, franchement. Je trouve que... Mais il y en a aussi une qui pèse, c'est celle de Rabiot. Hein. Rabiot, dans ce genre de match, c'est le seul milieu de terrain formé vraiment à ce poste qui est à Paris et il ne joue pas. Et ça, c'est un problème. Mais voilà, est-ce que c'est une bonne défaite pour Paris ? Je crois que Paris, en fait, le seul truc qui leur restait à jouer, c'était l'invincibilité Ligue 1. Paris est déjà champion, c'est déjà fait depuis 2 mois. C'était le match qu'ils perdent chaque année. Ils l'ont perdu 2-1 aussi l'année dernière. Lyon fait toujours un grand match chez eux contre Paris. Je rappelle l'affaire des mugs l'année dernière. j'attends les mugs de cette année. Ils ont pas commencé bizarrement cette année. Ça leur avait porté la poisse après. Ça leur avait surtout porté la poisse, oui. Mais c'est ça, Paris, c'était le seul truc qui leur avait à jouer. Ça les gardait compétitifs. Maintenant qu'ils ont plus ça, est-ce qu'ils vont être aussi compétitifs en Ligue 1 ? Et on sait à quel point être compétitif dans son championnat, ça permet aussi de se sublimer en Ligue des Champions. On peut penser au Bayern qui a du mal en Ligue des Champions parce que pendant des années, ils ont dominé un peu trop leur championnat et c'était fini largement avant et ils s'écroulaient en Ligue des Champions. D'ailleurs, à propos de la Ligue des Champions, est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite inquiétante à une semaine et demie de la confrontation du PSG avec Manchester United, Quentin ? Bah, c'est compliqué à savoir parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, comme Johan l'a dit, ils mettent le championnat pas en avant, justement. Ils ne le mettent pas en avant, ils savent d'avance qu'ils vont terminer champion. Justement, ils sont là pour s'axer sur la Ligue des Champions. Sauf que le problème, c'est qu'il faut limite prendre ça comme un entraînement pour eux. C'est-à-dire que si tu te mets dans de bonnes conditions pour le championnat, tu arriveras en meilleure condition en Ligue des Champions. Après, Paris peut gagner ce match. Hein. Oui, Paris peut gagner ce match. Après, ouais. Après y a aussi il y a aussi le mental par rapport à ce match-là. Depuis que le parc OL existe, depuis janvier 2016, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Ah mais ça, je pense que pour des joueurs de ce niveau-là, ça compte pas. Non, ce qui compte vraiment, c'est surtout que voilà, là, comme l'a dit Tourelle d'ailleurs, la deuxième période, elle est bonne pour Paris. Niveau état d'esprit, oui. Niveau oui, vision, très, très elle est bonne. Elle est très bonne. On tombe juste sur un énorme Lopez. Exactement. Là, si Paris gagne ce match 3-2, c'est pareil. C'est juste que Lopez a fait un ou deux arrêts. Après, Neuer a fait des sauvetages. Et donc, oui. Après, Areola a sorti quand même des grosses parades aussi en premier temps. Mais il fait une bourde, d'ailleurs. Mais il fait une bourde. Ouais, je veux dire une bourde, il se gêne tout seul. C'est pas une erreur de gardien, quoi, c'est ça que je veux dire. Ça reste une bourde, mais c'est pas une erreur de gardien. Là, ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est arrivé à Bertrand Traoré, d'ailleurs, sans qu'il y aurait eu 3-1 au bout d'un moment. Ouais, mais c'est donc, moins grave quand ça arrive à Bertrand Traoré qu'à Areola. Mais moi, mon inquiétude, elle se place vraiment comme sur la Ligue des Champions. Pour le milieu de terrain, normalement, Verratti devrait être remis pour Manchester. Est-ce qu'il sera 100% remis? Paredes sera mieux intégré. Verratti qui vient de reprendre l'entraînement hier. Est-ce que Paredes aura le niveau nécessaire pour combler, mine de rien, l'absence de Rabiot au milieu de terrain qui est quand même importante? C'est pas le même milieu, c'est ce que je disais. Paredes, c'est un joueur offensif. Mais du coup, t'as des automatismes qu'il faudra trouver de manière différente. Messieurs, excusez-moi de vous couper brutalement en plein débat. Excusez-moi de couper brutalement ce débat qui était fantastique. Il y a un autre fait de jeu au-delà de la défaite du PSG qui a marqué, c'est le fameux tacle de Nabil Fekir sur Paredes, à qui on a dit un joli petit coucou du coup en Ligue 1. On va écouter d'abord, je vous propose d'écouter Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé sur ce tacle. Le tacle de Nabil est assez appuyé. Deux minutes avant, il y a un tacle qui est pratiquement identique, de Draxler sur lui, donc il a eu peur. Bon, comme il y a eu jaune avant, il y a jaune après au match aller. Souvenez-vous, Thiago Silva tacle par derrière Nabil. Il sort au bout de 5 minutes du match, mais il est absent pendant 2 mois. Il n'y a pas eu autant de réactions qu'hier soir. C'est vrai que le tacle est un tacle sévère et qui pouvait mériter ou un jaune ou plus. Monsieur Turpin a pris cette décision. Un tacle sévère, Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé auprès de nos confrères de RMC. Kevin. Carton rouge, pas carton rouge, indiscutable, suspension de 8 mois. J'irai peut-être pas jusqu'à là, mais c'est vrai que ce tacle, il a servi strictement à rien. On ne sait pas pourquoi il l'a fait. C'est débile de sa part, mais pour moi, il aurait dû avoir rouge. Après, surtout suite aux affaires avec Niang, Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème contre le PSG? Beaucoup d'équipes se sont plaints que Paris avait les faveurs de l'arbitrage. Oui, bah ça. C'est plus vraiment le cas là, en tout cas. Jeu de Paredes aussi. Il fait des sombreros et tout. Il avait fait trois passes latérales. Ça faisait 5 minutes qu'il était en jeu, mais n'importe quoi. Non, faut le finir. C'est comme ça. C'est quand même dingue. L'arbitrage là sur Paris, ça fait beaucoup. On s'attendait pas à ça parce qu'il y a eu l'affaire Kevin en a parlé, mais de Neymar sur Kerrer. Il y a eu Neymar qui s'est blessé comme ça avec la quadruple faute sur lui face à Strasbourg. Mais ça commence à faire beaucoup. Il y en a plein qui ont expliqué, qui disaient que Paris se cache derrière l'arbitrage pour ce match face à Lyon. Pas du tout. Le tacle, il a lieu à la 92e minute. Paris a perdu ce match. À moins qu'il y ait une balle longue et Choupo-Moting mette une tête. Moi, ce que je reproche à Turpin, c'est le contre, surtout à la 90+3, qui part avec Diaby tout seul en 4 contre 3. Bon. Ça, à la limite, bon, mais. Ouais, bon, mais là. Voilà, mais bon. Bon, là, en tout cas, ça sera un autre débat, ça Antoine. Ouais, c'est l'arbitrage aussi. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose derrière ce tacle. Il y a une victoire de Lyon. C'est triste, mais c'est comme ça pour les Parisiens. Et tant mieux pour les Lyonnais. Et Lyon, qui prouve sa mentalité lors des matchs importants. Les Lyonnais qui ont battu Paris et qui ont donc pris 4 points sur 6 contre Manchester City en Ligue des Champions. L'OL, on le rappelle, qui affrontera le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions dans 2 semaines et demie. Messieurs, est-ce que les Lyonnais peuvent créer l'exploit, Quentin? Exploit, tout dépend ce qu'on appelle un exploit. Moi, je pense qu'honnêtement, on sait que le Lyon sait se sublimer en Ligue des Champions. Pour le match au Parc OL, si Barcelone n'est pas non plus dans un grand jour, parce qu'en plus, en ce moment, ils font des résultats un petit peu en dents de scie en championnat, ils peuvent faire un résultat au Parc OL. Lyon qui élimine le Barça, ça ne serait pas un exploit? Non, ça serait un exploit. Quand on veut dire, c'est Lyon qui ne perd pas contre le Barça 6-0, ça serait un exploit. Je crois que c'est ça que tu voulais dire. Oui, aussi, mais c'est surtout que je les vois pas passer. Ils peuvent pas le faire parce que je pense que au Camp Nou ils prendront une déculottée. Personne ne voit Lyon passer autour de cette période. Complètement. Tout dépend de la disponibilité de Messi aussi. Messi est un facteur qu'il faut prendre en compte quand même. Là, Valverde, il est encore. Ça va. C'est pas comme si, franchement. Si le Barça peut pas éliminer Lyon sans Lionel Messi, ils peuvent tout arrêter, renvoyer les Chinois chez eux et arrêter la course à la Ligue des Champions. Non, mais franchement. Non, mais c'est vrai qu'on l'a vu là en Ligue des Champions, comme disait Quentin, qu'ils ont pris pas mal de points. Ils ont fait des très beaux matchs, surtout contre City. On les attendait pas à ce niveau-là. Moi, franchement, J'y crois. Ils m'ont déjà apprécié contre City, alors je vois pas pourquoi le Barça ils pourront pas le faire. Non, puis contre Paris même, ils ont fait un gros match. Aussi, oui. C'est un contexte différent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème qui va se poser pour Lyon, c'est que le Barça est prévenu, entre guillemets. C'est-à-dire que City, tout le monde s'attendait à ce que Lyon se fasse rétamer et surprise, ils ont réussi à gagner. Après, il y a eu le match nul parce qu'ils se sont fait, fait rejoindre. City était prévenu aussi au match retour 2-2. Comme Paris était prévenu, là, ils avaient perdu déjà 2-1. Je pense qu'il y avait aussi une part de vengeance chez les Parisiens. Il y a un contexte différent, mais je pense que le Barça va être beaucoup plus attentif, à moins qu'il se présente un peu en mode arrogant, et ça m'étonnerait un petit peu du Barça quand même. Je pense que ça va être compliqué pour Lyon. Mais par contre, de là à dire qu'ils ne peuvent pas le faire, non, ils sont parfaitement capables de créer la surprise au Parc OL et de tenir au retour, sachant surtout qu'ils ont un grand gardien. C'est surtout ça qui est. Lopez, qui a chose, est-ce qu'Anthony Lopez ne serait pas la clé de cette double confrontation? Parce que je suis désolé, mais bon, Deneyer, il a fait 2 sauvetages contre Paris, mais je pense que c'est pas lui qui va vraiment maîtriser Suarez. Pareil, dans toutes les zones du terrain, on va dire, les joueurs de champ du Barça sont supérieurs aux joueurs de l'OL. Même au niveau état d'esprit, au niveau tactique, je pense que le Barça est largement au-dessus. Oui. Sauf dans le but. Mais après, il y a un truc aussi, c'est que Lyon fait des résultats contre City et Paris qui ont à peu près le même style de jeu que Barcelone. Et Quentin disait, mais quand Lyon affronte City en match de poule, on s'attend tous à ce qu'ils se prennent une tôle. Là-bas, ils arrivent à gagner 2-1, ils mènent 2-1 chez eux. Je le disais à Antoine, ils étaient prévenus, City. De toute façon, la clé pour cette double confrontation, ça va être le match aller. Si Lyon réussit à faire un gros score au match aller, là, ils pourront vraiment avoir des chances. Après, s'ils perdent au match aller, oui, ça va être très compliqué sur la suite. Mais non, mais ce qui va être important, ça va être un vrai duel de gardiens. Et là où on peut s'inquiéter pour Lyon, c'est qu'ils ont montré contre Paris, et même sur tous les derniers matchs de championnat, un vrai problème d'efficacité devant les Lyonnais. Et justement, ce problème d'efficacité commence un petit peu à se régler, avec notamment Moussa Dembélé qui revient vraiment en forme. C'est lui la clé du match. Faut-il le titulariser ? Oui. Johan ? Totalement. Ah oui, il faut le titulariser, mais il n'était pas titulaire au derby. Il est rentré en jeu, il a tout changé. Hein. Et là contre Paris il fait encore un gros match, c'est l'attaquant qu'il fallait, ils peuvent pas mettre Depay en pointe. Depay n'est pas un joueur de pointe, c'est un attaquant tout simplement. C'est une pointe, c'est un numéro 9, un vrai numéro 9. Il a fait les beaux jours du Celtic, et Mariano Diaz d'ailleurs aurait été très bien avec Dembélé, je pense. Diaz ne s'est pas joué à deux. Diaz est un attaquant 4-3-3 avec une seule pointe. Diaz il s'est pas joué, je pense qu'il a pas joué avec deux coéquipiers, avec d'autres coéquipiers, c'est pas le faire. On close ce chapitre, messieurs, et on souffle un petit peu. On revient après une promo antenne pour parler de l'OM. Écoute ta web radio préférée. Envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien. Avec Voxem, donne ta réponse au jeu. Participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Les titulaires, avec Yoann Guillet sur StudéQuem. Marseille qui joue dans quelques minutes contre Bordeaux dans un vélodrome à huis clos. Marseille qui est pour l'instant 9e avec un match en retard. On connaît les tensions au sein du club phocéen, notamment avec les supporters. Alors, est-ce que ce match à huis clos est-il une bonne chose pour l'OM? Bah, Arthur. Presque pour moi. Franchement, vu la bronca qu'ils auraient pu avoir en arrivant sur le terrain, s'il y avait eu 60 000 spectateurs sur eux, je pense que ça peut que leur faire du bien. Et là, franchement, je me dis, de toute façon, pour Marseille, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à perdre au final. Ils peuvent pas toucher le fond. Plus bas. C'est quoi cette expression? Vous pouvez creuser plus, mais je pense qu'au classement, la relégation encore. Hein. Je crois sur les 5 dernières journées, ils sont barragistes. Si tu comptabilises le nombre de points pris, 4 défaites. Plus longtemps. Hein. Même de plus longtemps. 4 défaites en 5 matchs. Ah oui, non, mais Marseille, c'est. Voilà, donc ils peuvent pas toucher le fond. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais pour moi, Marseille, de toute façon, doit s'imposer contre Bordeaux. Après, il y a énormément de joueurs qui manquent ce soir. C'est pour ça que ça pourrait être compliqué. Notamment la recrue, Balotelli. Une composition Coupe de France, en fait, ce soir. Oui, il y a Balotelli qui n'est pas là, qui est suspendu, mais il y a aussi Thauvin. Et Payet. Payet aussi. C'est surtout Thauvin, là, ça va être difficile, parce que Marseille est dans le dur et dans le mal. Et si Thauvin, leur meilleur joueur, celui qui portait l'équipe, n'est pas là, ça risque d'être compliqué, là. Et il lui reste quoi, un ou deux matchs de suspension? Je crois que c'est le deuxième, il me semble. C'est le deuxième, donc il lui reste un encore. Après celui-là, contre Dijon. C'est difficile, là, pour Marseille. Alors, on va poser une question qu'on répète quasiment chaque semaine. Mais est-ce que c'est possiblement le dernier match de Rudy Garcia à la tête de l'OM, ou est-ce que non, il risque de finir la saison définitivement? Il y a un moment, on va quand même falloir faire quelque chose du côté de l'OM. Ouais, mais pas parce que non, mais oui, mais le problème c'est que là, t'as des supporters, t'as, comme tu l'as dit, Johan, t'as 60 000 personnes qui demandent à chaque match la démission de Garcia, le départ d'Héro. Il y a un moment donné où tu dois faire quelque chose de politique. Et Héro, soit c'est un président qui a des convictions, qui a des idées, auquel cas très bien, il décide d'aller jusqu'au bout de la saison avec Garcia, au risque que ça soit vraiment une saison catastrophe et qu'il se retrouve dans l'histoire comme le président qui a plombé l'OM. Soit il décide de faire sauter un fusible. Le fusible, c'est Rudy Garcia. Et Garcia, on le répète, hein, qui depuis le début de la saison avec Marseille, 30 matchs, 16 défaites en 30 matchs, 9 victoires et 5 nuls, 43 buts pour, 53 buts encaissés. Marseille est éliminé de toutes les coupes dès le premier tour et actuellement 9e de Ligue 1. Qu'est-ce qu'il faudrait aux dirigeants? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un entraîneur qui soit disponible? Selon Garcia, déjà, il faut un bon arbitrage, ce que je conteste fermement. Mais vu le clou à chaque match, c'est jamais de sa faute. C'est l'arbitrage, c'est la pelouse, c'est les joueurs. C'est... Il y a toujours un truc pour Rudy Garcia. Non, mais bah, faut bien qu'il se défende. Oui, mais il y a un moment, il faut assumer aussi ses responsabilités. Ouais, ce que certains coachs font. Garcia ne le fait jamais. Et non, puis il a dit en conférence de presse qu'il allait continuer. Oui, et puis, voilà. Il dit tout le temps les mêmes choses en conférence de presse. C'est un disque qui tourne sur lui-même. Et à un moment donné aussi, si tu vois que tu as ton vestiaire et même tes supporters qui n'arrivent plus à t'entendre, c'est compliqué d'exister derrière. Donc, ouais, soit changer d'entraîneur, ou alors il faut qu'il change de système, même déjà son système tactique sur le match. Il est beaucoup contesté. Après, je pense, Garcia, ce qu'il plombe un petit peu, c'est aussi ce recrutement où il a fait venir Strootman à 30 millions. Kalaitachar à 17 millions, il semble, et Radonjić. C'est n'importe quoi. Ça n'a rien amené, et je pense que les supporters l'ont un peu en travers de la gorge. Quand tu vois que dans le et même le temps, recrutement de Balotelli, justement, est-ce qu'il pourrait amener quelque chose? Franchement, pour le prix où ils l'ont payé, c'est oui. Bah oui. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Oui. Concrètement, ça ne peut pas être pire qu'avant. Donc, oui, Balotelli, il peut amener. Après, Balotelli, on le sait, ça comporte aussi, on l'a dit déjà dans cette émission, une part de risque. Balotelli, ça peut être le sauveur de Marseille, mais par contre, si ça se passe mal pour lui, ça peut être non, puis complètement même pour faire dégoupiller un vestiaire. Je me souviens que Balotelli, quand il revient de Liverpool, où il était catastrophique, à Milan, il met 14 buts en 14 matchs. Et il est vraiment capable de refaire la même chose avec Marseille. Et l'année prochaine, tout le monde va dire c'est le nouveau numéro 9 que Marseille attendait, et faire un zéro pointé parce qu'il voudra aller, je sais pas, à Chelsea, etc., etc. Après là, ce serait bien de se sauver maintenant pour la saison. Ouais, ce serait déjà pas mal de commencer par là. Je pense pas à la saison prochaine. On clôt le chapitre Marseille, messieurs les titulaires. Marseille qui a recruté Balotelli, mais il y a un autre club qui a beaucoup recruté, et inversement, c'est Monaco. 8 départs et 8 arrivées côté monégasque au cours du mois dernier. Un mercato qui a un petit peu titillé l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels. L'UNFP qui propose un changement radical au mercato d'hiver, une arrivée et une seule, transfert ou prêt. Kevin, est-ce que tu es d'accord avec cette proposition? Bah non. Merci Kevin pour cette belle intervention. Merci Kevin, on passe à la musique. Concrètement, moi je suis pour que les clubs se renforcent. Vraiment, bah, comme là dans le cas de Monaco où c'était vraiment en perdition, se renforce pour essayer de mettre un, enfin pour se relancer en tout cas dans le championnat. Ils sont, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Après, s'il faut minimiser le nombre de recrues, c'était à combien déjà, pardon? Une seule arrivée. Ah, transfert ou prêt, peu importe, une seule arrivée. Non, franchement, c'est vraiment arrivée. Pas assez. Ce que reproche le NFP, c'est le manque d'équité sportive. Donc les petits clubs à budget plutôt modeste qui ne peuvent vraiment gérer un bon recrutement, et les plus gros qui peuvent tout changer cours du mercato d'hiver. Je veux dire le mercato d'été aussi dans ce cas-là. Enfin, je suis désolé, mais ça a aucun sens en fait. Non, mais l'été. Non, mais si je pense. Moi, je pense les avoir compris. Ah non, mais je comprends ce qu'ils veulent. Je vais expliquer. En plus, allez, je non, mais c'est-à-dire que Monaco fait une première moitié de saison catastrophique. Et là, on a l'impression qu'au final, des gros clubs ne pourront jamais descendre parce que. Voilà, 8 recrutements. Exactement ça. C'est un peu... Bon, après, c'est un peu trop, franchement. Un joueur, on voit le cas du PSG qui ne peut pas recruter. Enfin, si on pouvait recruter qu'un joueur. Après, 3, pourquoi pas 3, ça me plairait plus. Bah, disons que, voilà, c'est vrai qu'un joueur, c'est quand même trop petit. Quand tu as des clubs qui sont dans le besoin. Après, j'ai trouvé les stats. Là, sur le mercato d'hiver, il y a eu 44 arrivées et 53 départs en Ligue 1 et 49 arrivées et 55 départs en Ligue 2. Ah oui, en fait, c'est pas énorme pour un mercato, mine de rien. Un mercato hivernal qui... Oui, mercato hivernal, c'est normal. Hein. T'as jamais de recrues au mercato hivernal, c'est dur de quitter ton club, c'est rare. La seule fois où je vois des recrues vraiment utiles sur le mercato hivernal, c'était Paris qui avait recruté Thiago Motta, Maxwell et Alex, il me semble, dans le mercato. Bon, donc ça remonte à 2012 quand même. Non, mais des joueurs qui étaient en fin de carrière. En plus. Non, mais moi, mon problème avec cette idée de une arrivée seulement, c'est que... Bah, tu peux pas t'adapter. Si jamais tu es vraiment en difficulté, comme par exemple l'AS Monaco, tu peux pas t'adapter avec une seule idée. Non, une seule recrue, pardon. Dans ce cas-là, quelle est leur idée, en fait ? J'ai du mal à comprendre. Moi, ce qui paraîtrait pourquoi pas un peu intéressant, c'est de dire, ok, mais t'équilibre. Si tu as une arrivée, tu dois avoir un départ. Et inversement. T'imagines, la seule recrue de Monaco, c'était Naldo. Deux cartons rouges lors d'un match. Qui était la première recrue, hein, qui était la première recrue. Et près de vainqueur. Et près de vainqueur également. Mais messieurs, globalement, ce débat se prolonge dans un autre débat, parce que le débat initial, c'est est-ce qu'il faut supprimer le mercato hivernal ? Est-ce que vous êtes pour ou contre le supprimer, ce mercato ? Contre. Contre. Voilà, on peut enchaîner. J'ai pas d'avis en particulier, parce que ce mercato, t'as des clubs qui en ont besoin. Je pense pas forcément à Monaco, parce que Monaco, c'est vraiment un cas particulier. C'est un ovni, en fait, Monaco. Un club de ce niveau économique est pas censé se retrouver à cette position-là. Est-ce que ça te choque, toi, personnellement, 8 arrivées et 8 départs? Je trouve, lors d'un mercato d'hiver. Alors, ça me choque. Je vais pas dire que ça me choque. Après, je trouve ça un peu dommage, parce que forcément, on a tous un peu cette envie, on va dire, c'est tous, je généralise, j'ai envie, un peu cette envie que le modèle monégasque soit puni. Mais d'un autre côté, on se dit... Soit puni, on rappelle quand même que Monaco a beaucoup vendu et a gagné beaucoup d'argent via son argent, il est allé le chercher, Monaco. Ah, est-ce qu'il n'aurait pas le droit de s'en servir? C'est une image globale. Moi, c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas supprimer ce mercato. Enfin, Monaco a les moyens de recruter, qui recrute? Enfin, je veux dire, si Amiens avait les moyens de recruter et qu'il recrute un joueur, pourquoi pas sortir de situations compliquées? Ok, Marseille aurait été vraiment dans des dispositions très compliquées là, s'ils n'avaient pas pu recruter. Ça donne une chance. Après, tout est une histoire de coûts et d'anticipation. Et c'est vrai que sur le mercato hivernal, on se retrouve souvent avec des achats précipités ou des prêts un petit peu, des paris. C'est en ce sens-là que le mercato n'est pas vraiment utile. Mais sinon, je ne vois pas de raison valable de le supprimer. Le mercato de Monaco n'aidera pas le club à se sauver cette saison ? Pour l'instant... Vu les joueurs arrivés, Fabregas, et puis Saïd Golovin, Martins qui a 3 passes D en 2 matchs, je crois. Ouais. Non, si, ça les aidera. Mais il y a aussi un facteur à prendre en compte pour le mercato hivernal, c'est que les championnats, par exemple, américains ou sud-américains finissent en décembre. Donc c'est sur l'année civile. Lucas était arrivé au PSG en fin de championnat, c'est pour ça qu'il avait très peu joué et qu'il était très fatigué. Après, pour le coup, ça compte pas pour un mercato, ça, parce que c'est des mouvements qui sont enregistrés l'été, en fait. C'est des fins de prêt, la plupart du temps. Mais ça peut compter. Oui, mais après, tu peux recruter des joueurs aussi en fin de championnat. Ça peut compter. Oui, mais je pense que ce que veut dire Johan, c'est que, admettons, s'il n'y avait pas de recrutement l'hiver, à chaque fois, les joueurs brésiliens, par exemple, seraient obligés de couper leur saison pour pouvoir venir en Europe. Ah non, justement, parce que là, je suis pas sûr de ce que je dis. Hein, ils seraient obligés de couper leur saison. Ils seraient obligés de venir en été et pas en hiver. Après, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que Lucas serait arrivé en 2012, juillet, soit de l'année où il a été recruté, soit de l'année d'après. Dans le cas de Lucas, je suis pas sûr, justement, et c'est pareil pour Lo Celso, c'est qu'il avait été acheté par Paris, puis prêté. Et une fin de prêt, mais c'est pas considéré comme un mercato. Il est revenu en... Ah, mais parce que c'est une fin de prêt. C'est pas considéré comme un mouvement sur le mercato, pour le coup. Mais par contre, là où vous avez raison, c'est qu'on peut acheter des joueurs qui ont terminé leur saison à ce moment-là. Là, oui. Voilà. Je crois que je les ai perdus là. Là, j'ai l'impression de me faire disputer. Excuse-moi, mais je suis désolé. Globalement, tout le monde est pour, du coup, rénover entre guillemets ce mercato d'hiver en limitant le nombre de départs et d'arrivées ou en égalant les départs et les invités. Pas plus que ça. Non, mais il a déjà été bien modifié avec la règle en Ligue des Champions. Cette règle-là était absurde et voilà, elle est remise en question. Cette règle de Ligue des Champions qui consiste à, pour un club, à recruter un joueur, même s'il a déjà joué la Ligue des Champions en début de saison, il peut jouer la phase finale trois joueurs maximum. C'était un mouvement qui fallait changer. Mais là, fallait changer pour au moins permettre au mercato d'hiver d'être un peu plus rythmé. On va pas non plus le supprimer alors qu'on vient de faire une réforme pour le rythmer un petit peu plus. Voilà, c'est mon avis. Tout le monde a donné son avis, tout le monde est d'accord, c'est fantastique. Vous êtes fantastiques, messieurs. Quentin, partez chauffer, tu vas rentrer là. Messieurs, on va faire une petite pause musicale, on va s'écouter un petit peu DJ Snake, c'est Middle sur Studek Web. Under the carpet, Tu préférais son sur Studek Web. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Studek Web, il est 19h. Les titulaires, avec Yoann Guillet sur Studek Web. On reste en Ligue 1, messieurs, à l'issue de ce mercato d'hiver. Il reste théoriquement 15 matchs aux équipes, un petit peu plus pour d'autres, pour se maintenir ou pour se qualifier en Europe. On va commencer d'ailleurs par la course à l'Europe. Messieurs les titulaires, qui voyez-vous sur le podium et sur la quatrième place de ce championnat, Antoine ? Alors, je vais prendre un pari. Je pense que Paris sera en Ligue des Champions l'an prochain. Ok. Ouais. Ah, c'est suspendu par les... C'est très risqué. Pas de pari en Ligue des Champions. Je vois bien Lille, parce qu'ils sont sur une excellente dynamique. Et en fait, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment les casser. Parce qu'on dit que, bien sûr, il y a Nicolas Pépé. S'il y a une blessure de Pépé, ça peut être problématique. Mais derrière Pépé, il y a quand même une équipe qui est très solide. Ils ont au mercato d'hiver, ils ont conservé leurs éléments, et notamment Thiago Mendes, qui était convoité par le PSG, mais qui est finalement resté là. Donc, ils ont un esprit aussi. Faire une première partie de saison comme ça, et continuer sur la même lancée en début d'année, ça donne forcément un élan, voilà, un élan psychologique. Tu te dis, voilà, on peut le faire, on est capable. Et sur après, la troisième place, du coup ? Est-ce que Lille sera assez solide ? Je sais pas. Et sur la troisième place, Lyon. Je pense que Lyon, là, actuel, quoi. Ouais. Voilà. Donc Lille devant Lyon à la fin de la saison. Ouais. Quentin, tu penses la même chose ? Je pense exactement la même chose. Quentin n'aime pas Lyon. Non, c'est pas ça. Lyon pourrait repasser devant, mais le problème, c'est que devant, tu as Lille qui est, comme l'a dit Antoine, sur une très très belle dynamique. En plus, ils ont Christophe Galtier en entraîneur. Il s'est tapé du poing si jamais ça ne va pas. Et avec les joueurs qu'ils ont, le collectif qu'ils ont et la mentalité qu'ils ont, ils jouent tous ensemble. C'est ça l'important. Et parfois, Lyon en championnat a tendance à jouer individuel, et je pense que ça peut pencher en la faveur de Lille sur la fin de saison. C'est plus régulier, en fait. Il y a un truc assez drôle, c'est que Lille est beaucoup plus solide face aux petites équipes que Lyon. Ouais. Lyon va jouer tous les grands matchs face aux gros, et va gagner des points. Ils ont gagné 3 points contre Paris, ils ont gagné contre Saint-Etienne, mais contre les petits, ils ont beaucoup de mal. Et c'est ça qui fait des fois Lyon, en fait. C'est une question de motivation, en fait. On l'a dit, Lyon, c'est vraiment une somme d'individualité qui, quand elles jouent tous ensemble et quand elles ont envie, ça marche, et quand elles n'ont pas envie, ça se voit. Personne ici ne voit l'Olympique Lyonnais sur la deuxième marche du podium à la fin de la saison ? Ah, moi. Kevin, pourquoi donc ? Il avait la main en mode tout timide. Genre. je vois que je suis seul sur la table. Non, parce que je pense que Bruno Genesio, déjà, il va titulariser un joueur que j'aime beaucoup. Bah, on en parlait tout à l'heure, Moussa Dembélé. Je trouve que c'est le neuf qui leur manquait. Et je pense à partir de là, ça va enchaîner sur les victoires. Et moi, je vois très bien Lyon se qualifier pour la Champions League. Après, tout dépend bien sûr de leur parcours en Ligue des Champions. Si après, la fatigue, tout ça, ça peut jouer, mais je le vois bien arriver deuxième. Ouais. Sinon, pour tout le monde, c'est le même podium. Lyon deuxième. Lille deuxième, pardon, et Lyon troisième. Qui voyez-vous sur la quatrième marche ? Donc, premier qualifié pour la Ligue Europa. Là, c'est plus compliqué à dire. Là, c'est dur. Marseille. Non, c'est possible. Non, je crois à la remontada. Pas, bah, c'est j'aimerais possible. Bien, mais on, non. C'est une remontada de 6 points. On note cette année que c'est sûrement une des premières années où Paris ne libérera pas la cinquième place oui, parce que la finale de la Coupe de la Ligue qui est donc qui permet donc au club de se qualifier pour la Ligue Europa se joue entre Strasbourg et Guingamp. Justement, si Strasbourg gagne la Coupe et finit dans les quatrième, Européens, ça libère la cinquième place. Ah, ça serait incroyable cette saison. Elle serait fantastique. Donc qui sur la quatrième place donc ? Moi, j'ai mis Saint-Étienne personnellement parce que Saint-Étienne, j'aime bien ce qu'ils produisent depuis le, je vais dire depuis le début de la saison. J'aime beaucoup leur jeu. Cazeri, que je trouve vraiment très très bon. Je trouve qu'il a encore passé un palier. Il est vraiment très fort. Ouais. Et je trouve que ce serait mérité pour Saint-Etienne qui tourne autour depuis pas mal de temps, même s'ils ont joué la Ligue Europa. Je pense qu'une quatrième place, mine de rien, ça leur ferait du bien. Après, attention pour Saint-Etienne, voilà, avec ce mercato agité, notamment avec l'affaire Selnaes qui court en ce moment. Faut pas que les têtes soient agitées. Après, je pense que moi, ça va jouer aussi avec Montpellier. Moi, je mets vraiment ces deux équipes en bataille parce que Montpellier, t'as un collectif, t'as quelque chose, t'as le duo avec Laborde et Delors qui marche extrêmement bien. Donc à voir. Mais c'est Montpellier, vrai que... je veux pas Montpellier tenir le coup. Je pense que Montpellier, longueur, ça va s'essouffler. Ouais. Ouais. Au bout d'un moment, on a compris leur jeu. Au bout d'un moment, les équipes vont. Eh ben, je me méfie. Peut-être plus Strasbourg pour moi que Montpellier. Kevin, je suis d'accord avec Quentin. Je trouve que Montpellier, enfin, j'apprécie vraiment leur jeu. D'ailleurs, je les ai regardés ce week-end contre Nîmes. Ils sont beaux. Après, c'est un derby très, aussi. Très, très beau. C'est un derby, c'est parti. Le match était beau à voir, mais Montpellier m'a impressionné. Je ne les voyais pas jouer aussi bien, mais oui, du coup, je pense que ça va se batailler pour la quatrième place avec Saint-Etienne. Saint-Etienne et Montpellier, éventuellement Strasbourg, Marseille, selon Arthur. Plutôt Strasbourg. Personne d'autre qui peut venir titiller. Bon, je pense que les autres. J'avoue que j'ai pensé à Monaco. Mais là, ça tiendrait de. Là, je pense que Jardim, on lui fait une statue, là, par très belle transition de ta part, Kevin, parce qu'on va s'intéresser donc au maintien. Et à Monaco, qui donc est 18e, qui est pour l'instant barragiste, devant Amiens et Guingamp. Guingamp qui est un petit peu largué à 4 points donc d'Amiens, de Monaco, mais également de Caen. Messieurs, est-ce que vous avez une idée de votre podium vers le bas final ? Après, vraiment, Monaco, c'est imprévisible en fait. Faut attendre de voir si Jardim arrive à remettre des choses en place, même si bon, il n'est pas parti longtemps, donc techniquement ce qu'il avait mis en place n'était pas vraiment parti. Faut voir ce qui fait des recrues. Monaco, c'est l'interrogation de cette deuxième partie de saison. Par contre, pour Amiens et Guingamp, je pense que ça va être très très compliqué, parce qu'en dehors de leur classement, c'est aussi des équipes qui sont d'une faiblesse abyssale dans le jeu. Ah, Guingamp, ça va, je trouve. Hein. Ah, quand tu regardes Guingamp, il y a plus faible. Hein. Il y a plus faible, mais par contre... Comment expliquer cela, alors ? Comment expliquer que Guingamp se retrouve dernier et autant largué ? 46 buts encaissés. Mais c'est dû au très mauvais début de saison qu'ils ont fait, Guingamp, mine de rien. Ils n'ont rien gagné en début de saison. Mais là, ils vont un petit peu mieux. Moi, franchement, quand je regarde les matchs de Guingamp, franchement, il y a pire. Hein, quand tu regardes c'est quand même très faible. Dans le jeu, je suis d'accord, mais dans les résultats, Guingamp, ils n'arrivent pas à tenir un résultat, sauf en coupe, parce que tu as forcément l'esprit coupe, ça joue. Mais en Ligue 1, Guingamp, qui mène, on a l'impression qu'il y a un peu aussi cette peur de gagner qui est forcément là quand t'as fait un début de saison comme ça, ça arrive forcément. Et puis il y a, bon, après c'est pas immense, il y a 4 points avec Amiens, tu l'as dit Johan, et le trio là qui a 4 points seulement de retard sur Dijon, c'est encore passable, c'est encore rattrapable. Mais par contre il y a une stat qui fait mal. Après bon, c'est que des statistiques, hein, mais depuis que la Ligue 1 est à 20 clubs, pas une seule fois toutes les équipes qui étaient dans les 3 derniers à ce moment de la saison, ne se sont sauvés. Pas une seule fois. Il y en a toujours au moins une qui est descendue. Il y a toujours au moins une. Une fois, c'est arrivé 6 fois que les 3. Que deux équipes se sauvent. Et 7 fois que... Non, si, pardon. On peut tromper 1000 fois une personne. Couper son micro. Attendez, voilà, j'ai ma feuille. À trois reprises, il y a deux équipes qui ont remonté. À 7 reprises, il y a une seule équipe qui a réussi à se sauver. Et donc, 6 fois, aucune n'a réussi. D'accord. Sauf Toulouse, qui s'est sauvée en barrage la saison dernière. Ouais, voilà, ouais, ça aussi, tu m'en veux pas, Antoine, mais j'ai quand même demandé le changement. Tu vas passer remplaçant pour la fin de l'émission. Guingamp, qui, on le rappelle, peut être européen tout en descendant en Ligue 2. Donc, une victoire de Guingamp en Coupe de la Ligue jumelée d'une dernière place, on pourra avoir un club européen. Il y a qu'en Ligue 1 que tu vois des trucs comme ça. Non, mais vraiment, c'est vrai. En Ligue 2, non, mais pour vous dire la pauvreté des fois, mais on doit se foutre de nous quand même. Ah bah non mais quand un tu peu sais scolaire, que Arthur. Soit Strasbourg, soit Guingamp va finir européen. Non mais Strasbourg, ça me choque pas. Oui, Strasbourg à la limite parce qu'il y a une histoire. Ils sont sixième en plus. Ils sont sixième. Non mais Guingamp, oui. Après, je crois que pour les équipes qui descendent en Ligue 2, il y a une possibilité de céder leur place. Je sais que c'est automatique en cas de descente en national, par exemple, une équipe de Ligue 2 qui gagnerait la Coupe de France et qui descendrait en même temps devrait automatiquement céder sa place. Et je ne sais pas si c'est pareil pour Ligue 1 Ligue 2. C'était le cas pour la Coupe Intertoto avant qu'elle soit supprimée, donc c'est, je pense, possible. Pour, c'est, je pense, possible. Messieurs, il y a également un autre club qui peut descendre en Ligue 2, dont on ne parle pas tant que ça, c'est Dijon, qui a pourtant les mêmes problèmes que Guingamp, hein, c'est la défense. Mais Dijon, qui mine de rien, n'a pas été une seule fois, je crois, dans la zone de relégation. Ils se sont peut-être retrouvés barragistes, mais jamais dans les deux derniers. Quentin. Dijon, ils ont un mental de guerrier aussi, pardon. Ouais, ils ont un mental de guerrier. Bah après, c'est Comboiré qui leur a apporté aussi ce mental depuis qu'il est arrivé. Oui, enfin, ça fait pas longtemps. Oui, mais ça fait pas longtemps en même temps que... Excuse-moi, mais Dijon, c'est faible. Dijon, c'est très faible en termes de qualité de jeu. Ah, t'en as plein qui sont faibles. Hein. Alors là, en termes de qualité de jeu, je suis pas d'accord. En termes offensifs, Dijon, là, oui, ça marque pas beaucoup. Oui. Mais par contre, Dijon, c'est une des plus belles équipes à avoir joué du championnat. C'est une équipe qui joue. C'est pas une équipe qui blinde. Ça sent l'embrouille. Non, mais, mais Dijon, c'est reconnu depuis 3 saisons avec le travail de Dalloglio qui est exceptionnel depuis qu'il est là. Et il les a fait monter en Ligue 1 et Dijon a toujours joué. Et c'est le problème de Dijon. C'est que Dijon n'a pas su blinder quand il fallait. Ils ont toujours joué et ils ont pris un nombre de buts assez incroyable la saison dernière. Et effectivement, cette saison, ils se sont dit, tiens, peut-être qu'on va peut-être un petit peu moins proposer un football attractif. Mais défendre, ils savent le faire quand il faut. Et je pense qu'avec Comboiré, ça va être le même cas. Messieurs, très rapidement, les deux derniers du championnat. Je ne demande pas le barragiste pour vous à la fin de la saison. Un petit pronostic ? Amiens-Guingamp. Amiens-Guingamp. Amiens-Caen. Ouais, Amiens-Caen. Caen-Guingamp. Caen-Guingamp. Amiens-Dijon. Pourquoi tu dis Dijon ? Il a dit ça en mode regardez, j'ai un truc différent. Des clubs qui ferment la marge différent pour tout le monde. Hein. Et messieurs, il va falloir qu'on se déplace. Direction l'Espagne qui nous offre un bien joli mois de compétition avec 3 classicos. Ça ne joue pas pour le maintien cette fois-ci, mais bien pour la Coupe du Roi qui commence demain au Camp Nou. Un Barça en très grande forme qui accueille un Real qui va de mieux en mieux. Un pronostic, messieurs, je vais m'adresser à toi, Johan. Un pronostic, le Barça. Le Barça est tellement supérieur au Real cette année. Ils leur ont mis 5-1 au match aller en Liga. Son voisin grince un petit peu des dents. Les deux. Il y en a un qui grince des dents, l'autre qui secoue la tête. C'est beau. Le Barça est au-dessus. Alors, ils ne font pas un grand championnat. Ils ne font pas une grande Liga, le Barça. Mais ils sont au-dessus du Real. Le Real est tellement... Cette année, c'est déjà 6 défaites en Liga hein, quand même. 6 défaites pour le Real. On parle du Real quand même. 3 fois champion en Ligue des Champions. Qui a fini, qui a gagné je sais pas combien de ligas, mais ils y arrivent pas, ils sont même derrière l'Atlético. Ils vont jouer d'ailleurs l'Atlético ce week-end. C'est très compliqué pour eux, mais le Barça, après il y a le facteur Messi, comme disait Kevin, mais même sans Messi, je crois que le Barça est aussi fort. Kevin. D'ailleurs, je crois aussi que Dembélé est encore blessé. Oui, ouais. Il est possible. Oui. Pas très grave. Ce qui veut dire, Kevin, que le Real va se qualifier, c'est ça? Mais fortement. Fortement, alors beaucoup. Non, mais d'ailleurs, en plus, il y a la doublette Benzema-Vinicius qui marche très très bien en ce moment. Ils font très très mal aux défenses espagnoles, mais du coup, moi je pense que le Real, ils gagneront. En tout cas, ils se qualifieront pour la finale de la Coupe du Roi pour moi. En championnat, ce sera autre chose, mais je pense qu'ils vont tout donner au moins pour la Coupe du Roi en espérant de remonter en championnat. Mais pour la Coupe du Roi, je pense qu'ils donneront tout. Arthur ? Alors, Johan, je vais essayer de te répondre assez simplement. Je vais te dire non. En fait, voilà. En fait, déjà, tu oublies une chose. Est-ce que Messi va jouer ce match déjà? Parce qu'il est blessé. Dire, on ne sait pas. Et ça va être un risque. Ça va être un risque. Il y avait le facteur Messi qui est rentré en compte. Mais après, si tu ne m'écoutes pas, je vais te le dire simplement. Il avait sa réponse dans la tête. Oui, parce que voilà. Bon, merci Arthur. Et comme l'a si bien dit Kevin, au bout d'un moment, regarde les matchs de Vinicius. Il est impressionnant. Benzema, je suis désolé, mais c'est le nouveau Zidane, j'allais dire, mais pas loin, franchement. Le Real revient en très grande forme. C'est bon, il a mis 4 buts. Il a mis 4 buts, mais il n'y a jamais rien qui t'impressionne, toi. Mais c'est pas possible d'être comme ça. Johan nous a énervé. Excusez-moi, Arthur. Johan nous a énervé, Arthur. Messieurs, je vous propose de souffler encore un petit peu, surtout toi, Arthur. Oui. Tu devrais aller porter les gourdes, ça te ferait du bien. J'allais les chercher. On revient après une légère promo antenne. Jeudi, Studek Border Live reçoit le chanteur Bousti. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Anaël, Lucas et Thomas reçoivent Bousti entre 15h et 16h dans Studek Border Live. C'est uniquement sur Studek Web. Les titulaires avec Yoann Guillet sur Studek Web. Ils sont dissipés, nos titulaires, ce soir. Ils sont bien dissipés. Surtout toi, Arthur, hein, c'est un carton jaune. Non, mais ça va mieux, je me suis fait rappeler à l'ordre. J'ai bien compris, je suis désolé. On ne tacle plus Paredes par derrière, Arthur. Est-ce qu'on s'est noté ? Je suis désolé. Messieurs, on part en Angleterre, où le classement de Premier League se resserre. Liverpool a de nouveau piétiné sur la pelouse de West Ham. Les Reds ont concédé le match nul 1 partout. Match nul qui profite à Manchester City, qui se trouve désormais à 3 points du leader, mais également Tottenham, qui revient à 5 points. Est-ce que c'est un coup de mou logique, brièvement, pour Liverpool ? Ah non, surtout en Première Ligue, t'as pas le droit au coup c'est de mou. C'est pas le moment, en plus. Ils avaient combien de points d'avance ? 8 points sur City ? Ouais. 8 points sur City, le football de club qui fait qu'il y a un petit coup de mou à un moment, une petite fatigue ? Moi, je pense qu'ils payent leur Boxing Day. C'est possible, mais... Ouais, voilà, ouais. Ils ont fait un très gros Boxing Day en gagnant contre City, il me semble. Non, ils perdent, non, ils perdent contre City, justement, et ils avaient pris les points d'avance, justement, juste avant. Mais ils sont fatigués, forcément. Mais attention, il y a la Ligue des Champions aussi pour Liverpool. Il n'y a pas un gros banc, en plus, pour Liverpool. C'est un gros 11 titulaires, et c'est des joueurs qui font parfaitement la pointe. Mais par contre, pour remplacer les titulaires, je ne suis pas sûr qu'ils aient le même niveau et la même grinta. Très bien, messieurs. Donc, mais à Shaqiri, quand même. Donc, oui, coup de mou logique. Messieurs, il y a également Manchester City, dont on a parlé, qui a battu Arsenal 3-1 dimanche avec un triplé de Sergio Aguero. Et là, je vous vois venir, messieurs. Arsenal qui vient d'enchaîner 21 matchs d'affilée sans victoire sur la pelouse d'un club du top 5. Une statistique hallucinante. On a l'impression de se répéter chaque année, mais concrètement, qu'est-ce qui ne va pas du côté des Gunners ? Qu'est-ce qui leur manque à ces joueurs d'Arsenal, Antoine ? Défense. Bah, oui, il y a une défense, mais il faut surtout se rappeler que en dehors de la défense, c'est plus global que ça. Arsenal, sur ces dernières saisons, n'est pas une grosse équipe d'Angleterre. C'est pas un club du Big Four, c'est pas un club du Big Five. Arsenal, c'est une équipe. Non, mais un Big Six, c'est six. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler d'un déclin, donc ? Ah, bah, depuis 3-4 ans même. Et puis, on savait tous très bien qu'Arsenal n'aurait pas remonté dès cette saison. C'est un travail de longue haleine qu'il faut faire à Arsenal, d'autant qu'en plus on a Claude Wenger qui est quand même important. C'est des nouvelles bases. C'était impossible qu'Arsenal se relève dès cette saison. Ils font les choses. Johan l'avait dit il y a 2 semaines. Arsenal perd contre les gros. C'est logique. Pour moi, c'est tout à fait logique qu'Arsenal perde contre City. C'est logique qu'Arsenal perde contre Chelsea et contre ces clubs-là. Alors, c'est logique, mais qu'est-ce qui ne va pas au-delà de la défense de manière générale, Arthur ? Ah bah, faut reconstruire l'équipe. Moi, je trouve qu'il manque quand même ce joueur, cette espèce de magicien à Arsenal. Il y a des très bons joueurs, mais par exemple, on n'a pas ce Dybala, ce De Bruyne, ce Neymar. Il n'y a pas de top niveau, en fait, à Arsenal. Aubameyang, c'est gros niveau, mais ce n'est pas niveau mondial. Même, je pense que Ozil aurait pu être ce joueur, mais bon, il n'a pas confirmé par la suite. C'est déclin aussi, hein. Oui. Il s'est beaucoup blessé aussi. Il est blessé surtout. Ouais. C'est surtout pour ça. Défendre Aubameyang, quand même, il a réalisé le meilleur début de saison. Ah, enfin, les meilleurs premiers matchs pour un attaquant d'Arsenal, même devant Thierry Henry. Ah, mais c'est 25 buts en 36 matchs ou 37 matchs, je crois. Aubameyang, c'est quelqu'un qui surfe sur son équipe. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais il ne change pas un match, Aubameyang. Si Arsenal gagne 5-1, je ne sais pas, contre West Ham, il va en mettre 4 peut-être. Mais dans les gros matchs, c'est rare. Pour moi, c'est rare qu'il fasse vraiment la différence. Il lui faut une complémentarité à Aubameyang. Là, il en a 12 buts. Il est derrière Salah au classement débuteur de Premier League. Il a la complémentarité. Oui, il l'a avec Lacazette. Bah oui. Pour l'instant, ça marche. Mais tu as ce duo d'attaque qui en a 25 buts pour Arsenal depuis le début de la saison. Ça ne suffit pas. Derrière, ça ne suit pas. Il y a trop d'erreurs défensives. Il y a un milieu de terrain. Des fois, on ne sait pas trop comment il se place. T'as pas une équipe en entière et c'est là où ça fonctionne pas et c'est aussi un petit peu les problèmes d'Emery. Non mais t'as un très bon milieu de terrain à Arsenal avec Guendouzi, Torreira et Xhaka. C'est jeune. C'est quand même un très bon milieu de terrain. Ouais mais c'est très bon. C'est du potentiel en fait. Je m'en fiche que ça soit jeune. C'est oui très mais bon. Compare-le ce milieu de terrain aux autres équipes anglaises. Non. C'est toujours plus faible. C'est la défense Arsenal. Est-ce que c'est pas un vrai box-to-box au milieu qui manquerait un petit peu comme Diaby devait faire ? Non, il manque un vrai milieu défensif qui soit vraiment une vraie tour ou alors un vrai milieu offensif. Et il te manque une défense à Arsenal. Mais il manque tout. C'est la défense surtout. Mais non, parce que Arsenal, Kevin a envie de parler depuis tout à l'heure. Il a peur. Sans vouloir faire l'avocat du diable, ils ont quand même gagné contre Tottenham en décembre. 4-2 chez eux. Voilà. Et contre Chelsea aussi. Contre Chelsea chez eux. Chez eux. Oui, c'est, en fait, mais c'est marrant, mais ça reste deux victoires à après, retenir, c'est très bien de gagner. Hein. On retrouve les problèmes de Unai Emery, en fait, tout simplement. Hein. Oui, Unai Emery qui a toujours eu des résultats à domicile. Et mais Emery, il a un problème avec l'extérieur, Unai Emery. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne sais pas s'il a un problème quand il n'est pas dans son stade. Ça a été le cas déjà à Séville, où il fait quand même quasiment toute une demi-saison sans gagner à l'extérieur lors de sa dernière saison là-bas, même s'il gagne l'Europa League. C'était pareil à Paris. Dès que le niveau se corse un peu, dès qu'il y a un peu de pressing à l'extérieur, c'était d'élitement complet de l'équipe. Et on retrouve un peu ça à Arsenal. Même si, bon, on peut pas vraiment dire que l'Emirates Stadium, ça soit non plus une forteresse. Mais je sais pas. C'est le problème qu'a Unai Emery. Faut voir, je sais pas. Là, j'ai pas d'explication logique, en fait. On va enfin venir vers Johan. Ce problème de défense, Johan. Mais il suffit de voir, le premier but encaissé contre City, le but d'Aguero. Ils sont 11 dans la surface de réparation à cause d'un corner ou d'un coup franc, peu importe. Ils sont 11 dans la surface de réparation. Ils récupèrent la balle. Forcément, pas de transition à l'avant parce qu'il n'y a personne devant. Ils perdent la balle. Moustafi ne se replace pas. Alors, il est magique, hein, ce placement. Il est tout seul. Tout le monde est remonté, sauf lui. Il est tout seul. Il reste comme ça. Donc, pas hors jeu. Centre pour Aguero, but. C'est quand même fou à quel point Arsenal est nul en défense. Ah, mais en même temps, il faut voir qui compose la défense. Moustafi, qui était un gros espoir à Valence et qui fait complètement pchit depuis qu'il est à Arsenal. Oui, Koscielny, qui est en fin de vie. Et un Socratis qui est très bon, mais bizarrement, depuis qu'il est parti Dortmund, ça a l'air de pas trop aller mal. Non. Tu peux traduire ? J'ai pas compris. Je suis désolé. Ça a l'air d'aller bien. Merci, d'accord, excuse-moi. Autant pour moi. Mais du coup, j'ai pas envie de parler. Je suis désolé. On a aussi un Lichtsteiner à. Mais lui, il joue pas. Donc, il est à l'infirmerie depuis 3 mois, je crois. Donc, mais il joue. Bellerin est blessé. C'est Bellerin qui est blessé là, ligament. Il a joué contre City sur le couloir droit. Et bah, vous voyez, je n'ai même pas rendu compte que Lichtsteiner jouait tellement il est nul. Il voit rien, il voit rien, il parle. Monreal est à gauche. Coupez-lui son micro. Je veux plus l'entendre. Bon bah, c'est une défense qui est vieillissante, qui est pas si complémentaire que ça. Et c'est surtout pas vieillissant, il est nul, c'est tout. Oui, et qui manque de talent aussi, j'allais le dire derrière. Il était en sur-régime l'an dernier, et puis là, cette saison, il a retrouvé son vrai niveau, et j'arrête de te couper. Tu peux enchaîner. Bah, c'est moi qui vais enchaîner, hein, t'as tué Antoine. Bravo. Donc globalement, si on suit un petit peu vos raisonnements à tous, messieurs, c'est rien de bien grave, il faut juste recruter une bonne défense, un bon milieu de terrain, une bonne attaque. Arsenal aura peut-être une excellente équipe, Kevin. Tu parlais de recruter, mais il y a le Daily Mirror et Daily Mail qui ont révélé que Arsenal aura pour le mercato estival 45 millions. 45 millions et pour le prochain, 50 millions. Oh, 45 millions. Et qu'est-ce qui ne va pas du coup avec le propriétaire ? Arsenal a fini de rembourser son stade il y a maintenant 2 ans, il me semble. On a beaucoup pointé le fait que c'était le remboursement de ce stade qui a empêché Arsenal de tout miser sur le marché des transferts. C'est quoi cette fois ? Bah, je pense qu'il me semble qu'on avait déjà soulevé cette hypothèse. C'est tout simplement le fait que le propriétaire s'en fiche. Le fait de finir 6e, 7e, ça lui va très bien. Non, Arsenal est un des rares grands clubs en Europe à ne pas être endetté. À être dans le vert toutes les saisons. Oui. C'est aussi. Mais c'est pour ça. Et moi, je pense que tant qu'il y a ça, le reste, le sportif, c'est 6e ou 7e, ça lui va. C'est économique. Je pense que lui, il a raison de le faire. Je pense que le dirigeant, le président d'Arsenal, le propriétaire, devrait être ravi d'un fair play financier qui irait beaucoup plus loin en s'attaquant à la dette des clubs. Après, Parce que Manchester United, par exemple, est endetté à des centaines de millions de livres. Arsenal, on est quasiment sur du 1 milliard, Manchester United. Voilà, exactement. Donc Arsenal, au moins, reste dans le vert. Et la volonté du propriétaire, elle est louable. C'est une entreprise, elle doit rester dans le vert. C'est louable, mais c'est pour ça que je me dis que pour moi, le problème, il vient de là. C'est juste que le propriétaire, lui, ça lui convient très bien, cette situation. Oui, mais après, attention, Arsenal a quand même recruté. Il faut arrêter. Là, j'ai l'impression qu'il recrute des petits joueurs à 2-3 millions pour les faire progresser. Entre Aubameyang, Lacazette, Leno, Socrates, il y a eu quand même de l'argent dépensé. C'est de la pointe. Regardez Tottenham, ils recrutent bien moins qu'Arsenal. Ah oui, parce que Tottenham a une cellule de recrutement intelligente. Là, en plus, Arsenal, ils vont falloir complètement refondre la cellule de recrutement parce que c'est Wenger qui la gérait sous l'ère Wenger. C'est lui qui gérait, il était manager, il n'était pas seulement entraîneur. Emery est seulement entraîneur. Du coup, il faut placer des gens, il faut lancer des scouts, c'est tout un processus. Est-ce que ça va se mettre en place ? On le verra dans 2, 3, 4 ans. Dernière question, vraiment brièvement. Est-ce qu'Arsenal doit tout miser sur la Ligue Europa pour accrocher la Ligue des Champions ? Oui. Ils n'y arriveront pas. D'accord. Je suis d'accord avec Johan, mais ils n'y arriveront pas. Merci pour cet optimisme, Johan. On va refaire une petite pause, une petite promo antenne sur Studek Web. Écoute ta web radio préférée. Envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien. Avec Voxem, donne ta réponse au jeu. Participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux. Où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Les titulaires avec Yoann Guillet sur Studek Web. Bientôt la fin de votre émission, messieurs les titulaires. On conclut sur une page cyclisme. La nouvelle saison vient de débuter. Les Français sortent d'une année 2018 forte de belles performances. On pense notamment à Julien Alaphilippe, qui a remporté la Flèche Wallonne et la Classica San Sebastian. Messieurs, je vais surtout m'adresser auprès de nos deux experts cyclisme, Arthur Vincent et Johan Bredov. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je change de boîte. Messieurs, pour nous attendre mieux encore de lui, de Julien Alaphilippe et des autres Français. Oui. Alors je vais commencer, hein. Désolé Johan, je sais pas, j'avais pas vu si tu voulais parler. Vas-y, mais vas-y. Il a rangé ses feuilles. Mais pour moi, oui. Après, le seul problème pour Julien Alaphilippe, c'est que c'est son équipe. Son équipe est presque trop forte. J'ai peur que, comme on l'a vu par exemple l'année dernière lors de Liège-Bastogne-Liège, son coéquipier, Jungels était parti devant et il a dû jouer du coup pour Jungels. Et à mon avis, c'est peut-être ça le petit truc qui lui manque. C'est pas l'unique leader, on va dire, de son équipe. Mais clairement, s'il arrive au top sur les classiques du mois d'avril, je pense franchement qu'il peut gagner les trois. Et est-ce qu'il peut devenir l'unique leader justement de son équipe ? C'est compliqué. Pour moi, c'est dur. Franchement, c'est compliqué. C'est une équipe taillée pour les classiques. De toute façon, c'est Quick-Step encore ? Non, ouais, ça s'appelle Quick-Step encore. Ils changent de nom tous les ans, donc c'est un truc de fou. Non, mais Quick-Step a une équipe taillée exclusivement pour les classiques. Arthur l'a dit, Jungels avait gagné Liège-Bastogne-Liège et Alaphilippe avait fini quatrième derrière Romain Bardet, dont on va parler après, j'imagine. Mais oui, l'objectif, je pense, pour Alaphilippe là, sachant qu'il y a un Valverde un petit peu vieillissant, qui était le meilleur coureur de classique, c'est de faire les trois. Faire l'Amstel Gold Race, Liège et la Flèche Wallonne. Ça, c'est son objectif. Il y a aussi les championnats du monde, mais ça arrive plus tard dans la saison. Mais c'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre pour Alaphilippe, qui a dit que de toute façon, il ne jouerait pas les grands tours. Même s'il a fait maillot à poids au Tour de France et qu'il a remporté deux étapes, il me semble. Mm. Mais en tout cas, il veut se concentrer sur le mois d'avril. Ça arrive bientôt, d'ailleurs. Et oui, c'est ça. Son objectif, là, ça serait d'avoir les trois. Et pour ce Tour de France, messieurs, est-ce qu'on pourrait avoir une belle surprise française ? Moi, j'y crois, et même pas une surprise, parce qu'il est affirmé depuis, il s'est affirmé depuis pas mal de temps. Je ne veux pas parler de Romain Bardet, je veux parler de Thibaut Pinot, qui a gagné le Tour de Lombardie. En toute fin de saison, alors pour ceux qui ne s'intéressent pas spécialement au cyclisme, le Tour de Lombardie, c'est une des plus grandes courses de l'année. C'est très rare qu'un Français gagne. Pour vous dire, la dernière fois qu'un Français avait gagné, c'était Laurent Jalabert. Donc ça date pas d'hier. Oui, c'est pas mal. Et du coup, cette année, il mise tout sur le Tour de France et je pense qu'il arrive vraiment à l'apogée de sa carrière. Il a 28 ans, il est au top de sa forme. Juste, Thibaut Pinot, il a un petit problème. Quand il fait très chaud, il a un peu de mal. C'est le seul petit hic qui peut lui arriver. C'est ça, et puis la FDJ, son équipe a tout misé sur lui. Arnaud Démare, le sprinter de la FDJ, ne participe pas au Tour de France, participera au Giro et se concentrera sur les classiques type Milan-San Remo ou Paris-Roubaix. Mais en tout cas, Thibaut Pinot aura une équipe taillée pour ça et pourquoi pas porter vers le haut. Après, moi, je suis plus dans le Bardet. Le Bardet, je pense qu'il peut le faire. Bardet, pourquoi Bardet plus que Pinot ? Mais non. Parce que je trouve que Bardet a peut-être cette folie que manque à Pinot. Pinot, là aussi, parce que c'est un coureur français, et en France, on a cette culture de l'attaque, et on n'attend pas, on n'est pas des Quintana, hein. Ça attaque tout le temps, et voilà. Mais Romain Bardet, je pense, a pris confiance déjà, avec sa deuxième place au championnat du monde. Il avait fait troisième de Liège, et il veut se concentrer sur les classiques, et sur le Tour surtout. Après, il manque peut-être à Bardet le contre-la-montre. Ouais, ça, pour moi, ça risque d'être difficile. Et même son équipe, ça, elle peut paraître faible des fois. Son équipe. J'ai deux airs la mondiale, l'équipe. Exactement. Hein. Exactement. Cet été, lors du Tour de France, certes, il y avait eu beaucoup d'abandon dans son équipe, mais pour moi, Romain Bardet a trop de carences en contre-la-montre. Et je trouve qu'il ne fait pas tant la différence que ça en montagne. Hein. La plupart des étapes de cette année, il suit ou il attaque à 80 km de l'arrivée. C'est pas ça. Pour moi, attaquer Thibaut Pinot, il peut partir à 10 km en costaud sans se faire rejoindre. Après, Thibaut Pinot, il y a juste aussi un autre détail qui peut me gêner autour de France, c'est qu'il a du mal souvent à supporter le train de la Sky. Ouais, c'est ça, la Sky, on débat sur le possible vainqueur, on sait quasiment tous que ça sera la Sky. Un des coureurs de la Sky. Ils viennent avec Garin Thomas, qui a gagné l'année dernière, et Froome. Ça risque d'être compliqué. Cette équipe, de toute façon, est comme diraient les jeunes, cheatée. Non mais c'est fou d'avoir une équipe comme ça. On parlait de Monaco au mercato d'hiver qu'il y aurait un manque d'équité sportive. La Sky, c'est exactement ça. C'est injouable. Je sais pas comment font les autres équipes pour ne pas craquer. Et du coup, justement, est-ce que les Français doivent plutôt se concentrer sur les classiques, comme a proposé Johan ou Arthur? C'est Arthur qui l'a proposé, je crois. Ou est-ce que justement le Tour de France doit être une sorte de priorité Après, c'est dans la culture. Je pense que si on était tous cyclistes autour de la table, on aurait envie de briller sur le Tour de France. Parce que sur le Tour de France, ça, mine de rien, c'est tellement 100 fois plus grand que les classiques, même s'il y a des classiques très connus entre Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix. Bien sûr, on connaît un petit peu, mais le Tour de France, tout le monde regarde le Tour de France l'été, et surtout en France. Donc pour moi, franchement, ça fait très longtemps, ça fait depuis 85 et Bernard Hinault qu'on attend un successeur à Bernard Hinault. Et franchement, cette année, moi, je pense que si la Sky, on va dire, perd des coureurs en début de Tour de France, sur blessure ou sur abandon, s'ils ont une petite équipe, je pense vraiment que Thibaut Pinot, voire peut-être Romain Bardet, peut gagner ce Tour de France. Ils ont déjà fini sur le podium, les deux. Thibaut Pinot et Romain Bardet ont déjà fait deuxième et troisième du Tour de France. Ouais, c'est ça, ils ont fait toutes les étapes pour arriver à maturité. Franchement, je ne veux pas dire c'est l'année ou jamais, mais là, ils vont rentrer dans leurs 2-3 prochaines années où ils doivent absolument gagner. Et ils sont ultra attendus, ils peuvent plus se passer du Tour de France, ils sont obligés de le courir et non plus se concentrer exclusivement sur les classiques. Antoine ? Ouais, après, il y a un truc qui peut jouer, on parlait de la Sky tout à l'heure, il y a une info qui est passée, c'est que Team Sky arrête le sponsoring de l'équipe Sky. Mmh. Après, est-ce que ça peut jouer sur une... Là, je pose la vraie question, est-ce que ça peut jouer sur les coureurs Tout dépend du sponsor qui reprend. Oui, après, attention, parce que Sky va quand même continuer à financer l'équipe encore pendant 3 ans. Ils vont perdre le nom, mais pour se remettre dans les clous financièrement, ils financeront l'équipe pendant 3 ans. Quand même. Messieurs, merci d'avoir participé à tous nos débats. Je remercie également tous les auditeurs qui nous écoutent chaque semaine. La semaine prochaine, les titulaires reviennent le jeudi pour parler surtout Ligue des Champions. Je laisse la place de l'entraîneur, du capitaine, du boss, du fantastique, au meilleur des Johan Bredov. C'est moi. Et d'ailleurs, tu me donnes la main. Il y a 0-0 entre Marseille et Bordeaux pour l'instant. 29e minute. Voilà. Et en Coupe de France, Nantes qui mène 2-0 face à Toulouse. On a pas Dijon parlé qui de mène 2-0 face à Croix. Et Orléans qui mène 1-0 face à Metz. Je pleure que vous n'ayez pas parlé de Coupe de France. On n'a pas parlé de la Coupe de France. On en reparlera une prochaine fois, peut-être. À bientôt dans les titulaires. Bonne soirée sur Studek Web.